Le secrétaire général du Parti populaire pour le relèvement et la démocratie du Congo démocratique, Henri Moba Sakani, a fait parvenir un message de réponse au camarade Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée populaire de Corée. Le destinataire a exprimé sa vive reconnaissance au nom du président Joseph Kabila Kabange, fondateur du parti, et à son nom propre au camarade Kim Jong-un pour le message de félicitations adressé par le comité central du Parti du Travail de Corée à l'occasion du 15e anniversaire de la fondation de son parti. Il a souhaité un avenir plus radieux au peuple coréen et réaffirmé la volonté de son parti décidé à collaborer avec le Parti du Travail de Corée pour les intérêts des peuples des deux pays.